Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La SNCF coûte cher, mais elle avance, enfin en tout cas en général. Il y a toutefois une partie de la SNCF qui coûte cher, mais recule, c'est le fret. Pourtant, le fret pourrait être la solution, comme le disait fort justement un monsieur qui se trouvait être PDG de la SNCF et qui d'ailleurs, à mon avis, est toujours PDG de la SNCF. Guillaume Pépi, on l'écoute, c'était le 13 mai 2012. Le transport de marchandises sur le rail plutôt que sur les camions, tout le monde est d'accord. Seulement, ça ne se fait pas beaucoup en France. Ça ne se fait pas parce que la route est très très compétitive, il y a plein d'autoroutes. Bon, mais néanmoins, si on veut éviter l'asphyxie des routes, la thrombose dans la banlieue des grandes villes, et si on refuse le tout camion et qu'on veut une planète un peu plus propre, il va bien falloir y passer. Marc Fressoze, vous êtes journaliste spécialiste transport, vous êtes notamment collaborateur du site Contexte et vous avez écrit un livre intitulé « Faillite à grande vitesse », je crois que c'était consacré au TGV. Une autre faillite, c'est celle du fret. Quand Guillaume Pépi sera PDG de la SNCF, on peut imaginer qu'il fera tout pour sauver le fret. Oui, on peut imaginer, mais sauf qu'il n'arrête pas les grèves, hein. Une des raisons de la faillite du fret, c'est le manque de prévisibilité d'instabilité sociale, qui est la pire des choses pour les utilisateurs du fret, que sont les entreprises. Une entreprise a besoin de savoir que tel jour, elle peut compter sur un train pour alimenter sa production, et qu'en sortie de chaîne, elle peut compter sur un train pour envoyer sa production aux quatre coins de la France ou de l'Europe. Donc il y a déjà cette raison qui explique pourquoi le fret ne fonctionne pas. Mais alors, aujourd'hui, donc, on n'a pas besoin de grandes démonstrations. On se dit que le fret devrait être promu, tout simplement, parce qu'il permet donc des avantages écologiques immenses. Quelle marche a-t-on loupé, Marc Fressoze? Sûrement la question de l'adaptation du fret au monde actuel. Et notamment, quand je dis du fret, c'est-à-dire de Fret SNCF, qui est l'entreprise qui est lié à la SNCF, hein, c'est l'opérateur qui est lié à la SNCF, qui n'a pas su se réformer. Il y a une dizaine d'années, il y avait eu une première tentative qui avait échoué. Le patron du fret à l'époque s'appelait Luc Nadal. Aujourd'hui, il dirige l'entreprise GEFCO. Et il avait constaté qu'il y avait des grandes rigidités dans le fonctionnement de Fret SNCF. Et il avait demandé à un millier de conducteurs s'ils étaient volontaires pour assouplir leurs horaires les règles de fonctionnement, parce qu'il y a des règles très très rigides. Et il y avait un millier d'agents SNCF qui avaient dit « D'accord, on comprend que c'est une question de vie ou de mort pour l'activité. Et donc, on veut bien assouplir un peu notre condition de travail à condition d'être un petit peu mieux payé. » Et finalement, il y a une grève qui avait fait capoter cette réforme. Et Guillaume Pépi, à l'époque, n'avait pas été très courageux. Et il avait retiré la réforme parce que Sud menaçait de faire une grève qui allait bloquer la SNCF pendant longtemps, et je me souviens que au contraire, la CGT était plutôt pour, mais finalement, il y avait une surenchère entre Sud et la CGT, et on avait abouti à ne rien changer. Et donc ça, c'est une des premières raisons, et c'est-à-dire les coûts de fonctionnement, la rigidité du fret, qui est très compliqué à produire. Oui, parce que le fret SNCF, c'est quelque chose de compliqué pour des raisons assez évidentes. C'est-à-dire qu'on a des containers qui doivent monter sur des trains. Si les trains font les mêmes trajets que les camions, ça pose un certain nombre de problèmes d'organisation. Voilà. Donc il faut quand même essayer d'homogénéiser la chose. Pourquoi certains pays y parviennent, tandis qu'en France, on n'y parvient pas? Justement, parce que des pays comme l'Allemagne ont réussi leur ouverture à la concurrence, c'est-à-dire que on a mis tous les opérateurs sur un pied d'égalité. Et surtout, bon, il y a une différence, c'est que l'Allemagne est un pays décentralisé et très industrialisé. L'Allemagne est un pays exportateur, donc il produit beaucoup d'équipements lourds qu'il exporte par le train, même jusqu'en Chine. Donc il y a déjà cette raison structurelle, industrielle, qui fait que en Allemagne, c'est plus porteur. En France, depuis 2008, on a connu une certaine désindustrialisation. On sait que l'ouest de la France est une partie qui est peu industrialisée, donc le fret se concentre surtout sur la vallée du Rhône, nord de la France, est. Mais je voudrais aussi ajouter que, certes, là, on prend souvent, comme je l'ai fait, l'exemple de l'Allemagne, où on dit que c'est formidable. Oui, il faut savoir que la Deutsche Bahn est le numéro un du fret en Europe. Et pourtant, dans son propre pays, la Deutsche Bahn a des difficultés parce que vous avez une politique européenne qui est un petit peu contradictoire. D'un côté, on dit qu'il faut promouvoir le rail, et de l'autre, on lui renforce sa concurrence routière. En fait, depuis que l'Europe s'est élargie aux pays de l'Est, progressivement, on a créé un grand marché du camion en Europe. C'est-à-dire qu'on a permis à des camions bulgares, à des camions slovaques, à des camions hongrois, tchèques, etc., de venir ramasser des marchandises en France, enfin, et dans le reste de l'Europe, et de marquer plusieurs points d'arrêt, c'est-à-dire de faire du cabotage. Et cette concurrence des pavillons des pays de l'Est qui partent avec des coûts salariaux très bas, eh bien, a fait chuter considérablement le prix du transport de marchandises en général en Europe. Et le rail, lui, c'est une industrie capitalistiquement très dense. Il faut beaucoup de capitaux. Bien sûr. Il y a des coûts fixes qui sont très importants. Et le fret ferroviaire n'est pas capable de maîtriser tous ces coûts. Donc le fret a tendance à se contracter sur une zone de pertinence. Et la zone de pertinence, on dit que eh bien, c'est les marchandises qui ne peuvent pas prendre le camion, ou alors avec difficulté. C'est la sidérurgie, c'est le pétrole, c'est les matériaux de construction. Alors, bien que là, le rail soit en concurrence avec la voie d'eau, le fluvial. Oui, mais alors, si ces coûts fixes sont importants, ils vont être encore plus importants s'il n'y a plus que des trains de voyageurs qui circulent sur les rails. Justement, l'intérêt du fret, c'est aussi de pouvoir amortir les rails, notamment parce que le fret n'est pas obligé de circuler aux mêmes heures que les trains de voyageurs, Marc Fressault. Effectivement, en général, les trains de fret circulent la nuit. Mais alors, il y a un autre problème spécifique à la France, c'est que, vous l'avez entendu, enfin tout le monde le sait, le réseau français est vieillissant, il tombe en morceaux à certains endroits. Et donc, il y a quelques années, on a pris conscience qu'il fallait faire des travaux extrêmement importants pour maintenir un réseau en bonne santé. Et malheureusement, ces travaux-là, on les fait plutôt de nuit. Et donc, la nuit, c'est là où ces trains-là voient leur temps de parcours allongé, en raison des travaux. Alors, c'est ça qui est complexe et paradoxal, c'est que pour améliorer tout le système ferroviaire, eh bien, on est obligé de sacrifier certaines activités. Et la question, c'est de savoir si, une fois que le réseau sera rénové, s'il y aura encore une activité fret. On a quand même parlé d'une subvention indirecte à la route, puisque la route, par définition, elle coûte moins cher. Si vous n'utilisez pas les autoroutes, il n'y a pas de péage. Est-ce que le rail ne souffre pas d'une concurrence déloyale, Marc Fressault ? Alors, si, on l'a beaucoup dit, il y a des études économiques qui montrent que l'économie du transport routier reçoit plus qu'il ne verse à la collectivité. Mais bon, tout ça, c'est assez théorique. Et il y a eu une grande polémique, vous savez, avec la taxe poids lourd qui est un dispositif qui devait entrer en vigueur. On a fait un superfell là-dessus. Voilà. Et donc, on a fait une croix là-dessus. Et beaucoup de gens ont dit, si le fret est en train de mourir, c'est parce que la taxe poids lourd n'existe pas. Mais en général, c'est pas tellement en affaiblissant un mode de transport concurrent qu'on va soigner le malade. Ça retarde l'agonie, mais je pense pas que ce soit le seul moyen de relancer le fret. Le fret ferroviaire, il a été ouvert à la concurrence il y a une dizaine d'années, et Guillaume Pepy a raté ce moment-là. Il aurait dû imposer une convention collective à l'ensemble des opérateurs qui tirent des trains de fret, et en fait, a raté le coche. Si bien que des concurrents se sont installés sur des niches, enfin ont pris jusqu'à 25% du trafic, mais que finalement, en 2016, ces concurrents, on leur a mis des semelles de plomb, parce que une convention collective a été imposée à l'ensemble des opérateurs, qui a été calquée sur les conditions de travail de la SNCF. Et finalement, ça les a mis dans le rouge économiquement. Donc on voit que finalement, tout le monde est perdant et que l'avenir n'est pas très gai. Merci Marc Fressault. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le site Contexte et vous avez notamment publié Faillite à grande vitesse au Cherche Midi. Superfail a été piétiné par Anaïs Isebaer, gâché par Hubert Jacquez et dévasté par Alexandre Fougeron. Superfail.